19h42, activation orale, dialogue entre Mireille et le garçon. Écoutez le dialogue suivant entre le garçon de café et Mireille. Vous allez apprendre le rôle de Mireille. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous avez comme apéritif bien français? Vous avez le Dubonnet, le Martini. C'est italien, ça, non? L'Ambassadeur, le Pernod, le Ricard. Le Pernod, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. La Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Beer, le Kir. Oh, c'est ça, je vais prendre un Kir. Maintenant, répétez. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous avez comme apéritif bien français? Vous avez le Dubonnet, le Martini. C'est italien, ça, non? L'Ambassadeur, le Pernod, le Ricard. Le Pernod, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. La Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Beer, le Kir. Oh, c'est ça, je vais prendre un Kir. Et maintenant, répondez. Qu'est-ce que je vous sers? Vous avez le Dubonnet, le Martini, l'Ambassadeur, le Pernod, le Ricard. La Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Beer, le Kir.